Tu décides pour nous, tu décides pour tout, non, non, non. Tes désirs de pouvoir, tu es beau dans le miroir, c'est trop. Je ne te connais même pas, je ne te ressemble pas, non, non, non. De jouer. Pourtant tu voudrais m'empêcher de rêver. Alors fais ce que tu veux, là où tu le veux, et tire-toi. Laisse-moi respirer, me réaliser, et casse-toi. Je ne serai pas comme appris à aimer. Je serai toujours en face pour casser ton miroir. Alors fais ce que tu veux, là où tu le veux, et tire-toi. Laisse-moi respirer, me réaliser, et casse-toi. Débarrasser, prépare-toi.